Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique. François Rouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de développement du loisir pêche pour la Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Et nous allons vous retrouver tout au long de la saison, chaque mois, pour nous parler de la pêche, justement. Hein, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Je suis très content d'intervenir sur Fadjet pour ces chroniques-là. Donc, en fait, le principe, c'est qu'on va proposer aux auditeurs une chronique mensuelle sur un sujet qui a trait à la pêche à la ligne. Et pour cette première édition de la saison, eh bien, on va s'intéresser à la pêche au leurre. La pêche au leurre, voilà, la pêche au leurre artificielle. Alors, c'est vrai que c'est une technique qui est assez sympa, notamment cette saison à l'automne, parce que c'est... alors, on peut pêcher quasiment tout au long de l'année. Il y a des périodes de fermeture, je y viendrai après. Mais ouais. À l'automne, c'est assez sympa à pêcher parce qu'on pêche des poissons carnassiers. Donc, c'est des poissons qui mangent des autres poissons. Les leurres étant des appâts artificiels qu'on fixe au bout de notre ligne pour tenter d'attraper ces fameux poissons carnassiers. On en a plusieurs espèces en Meurthe-et-Moselle ici chez nous. Je pense notamment au brochet. Oui, qui est bien connu. Qui est bien connu, voilà. La perche, qui est très sympa à pêcher, qui est très belle partenaire parce qu'elle est très belle. Très jolie, zébrée, bronze, verte, avec des zébrures, des nageoires oranges. Et il y a une bonne population, donc c'est assez funky à pêcher. On peut pêcher aussi d'autres poissons carnassiers, je pense à l'aspe, aux silures, aux cendres, on en a plusieurs espèces. Pour donner une petite ordre d'idée, un brochet, ça peut mesurer combien ? Alors, les plus gros brochets qui peuvent être attrapés, c'est 1m30, c'est rarissime. Après, la taille moyenne se situe autour de 50-60 cm. Sachant qu'il y a aussi des tailles limites en dessous de laquelle il faut remettre le poisson à l'eau. Tout à fait, j'allais y venir, c'est effectivement... Donc, en deçà de 50 cm, on est obligé de remettre un brochet à l'eau. Alors, la pêche au leurre, vous avez dit qu'il y avait différents leurres qui existent, hein, plusieurs techniques aussi. Il y a plein de matériels différents. Le principe reste le même, c'est-à-dire de plonger un leurre artificiel dans l'eau pour attraper un carnassier, on l'a dit. Effectivement, et c'est une pêche qui s'est beaucoup développée ces dernières années parce qu'elle attire notamment pas mal les jeunes. C'est une pêche qui est active, on se déplace beaucoup, on pêche ultra léger, on a une petite canne, un moulinet, un sac à dos, une boîte de leurre. Et la diversité proposée par les fabricants de matériel en termes de leurre, de couleur, de taille, de densité, de matière, de tout ce que vous voulez, ça a explosé. Donc vraiment, on a l'embarras du choix, mais je dis ça avec le sourire, hein, c'est, oui, pas, c'est vraiment sympa par rapport à ça, parce que vous allez au magasin de pêche et puis quasiment vous ne savez pas quoi choisir, mais il y en a plein. Alors je ne vais pas dire qu'il y en a un qui marche mieux que les autres, c'est pas un secret que je garde pour moi, hein. C'est vraiment en fonction des conditions et en fonction de comment on les utilise, que ça va plus ou moins bien marcher. Voilà. Donc on peut citer plusieurs familles de leurres. Hein. Oui, bien sûr. Notamment les leurres souples, qui sont fabriqués donc en matière souple, on dirait plastique. En plastique, on dirait des petits bonbons, des petits crocodiles. Ils ont des couleurs assez... Et qui ont des couleurs, alors soit ternes, soit plus flashy. Hein. On peut pêcher avec du rose, et ça marche très bien, hein, alors que les poissons n'ont jamais vu de rose au fond de la couleur qui fera que... Ça dépend. Ça peut être la couleur, la forme, la taille, le poids, ça. D'accord, ça dépend de beaucoup de choses. Donc on parle des leurres souples avec plusieurs formes différentes, notamment globalement des formes de poissons. Ouais. On peut citer aussi les cuillères. Donc, là c'est plutôt en métal. Plutôt en métal, donc c'est un leurre qui est aussi plus ancien, c'est-à-dire que c'est une petite palette, on appelle ça cuillère parce que ça ressemble tout simplement à une petite cuillère, hein, à café. Ouais. Et qui tourne autour d'un axe, voilà, qui renvoie des flashs dans brille. L'eau. Ça brille, armé d'un hameçon et ça vibre, donc les poissons l'attaquent. Il y en a pareil de différentes formes et de différentes couleurs. Et on a la troisième grande famille de leurres artificiels qui sont les poissons nageurs, donc qui sont eux qui imitent des poissons, des petits poissons, des petits appâts, et qui sont fabriqués soit en métal, soit en bois, soit en plastique. Alors cette pêche au leurre, elle se pratique partout, que ce soit en étang, que ce soit dans le canal ou... Voilà, c'est ça l'intérêt aussi, alors comme toutes les pêches, hein, ceci dit, mais là, on peut pêcher au leurre partout, canal, rivière... Et plan d'eau, il n'y a aucun problème. La seule restriction étant qu'il y a des périodes de fermeture. Donc en première catégorie, toutes les pêches sont fermées entre le troisième dimanche de septembre et le deuxième samedi de mars. Alors quand vous dites première catégorie, ça correspond à quoi ? Ça correspond aux cours d'eau où vivent majoritairement des truites. D'accord. Chez nous, en Meurthe-et-Moselle, on peut citer la Crune dans le nord du département, la Vezouze, la Verdurette, la Roff, j'en oublie, mais il y en a plusieurs... Toutes les informations sont sur notre site internet. Toutes les autres rivières, canaux et plans d'eau, sont classés en deuxième catégorie. C'est la plupart du réseau hydrographique de Meurthe-et-Moselle. La période de fermeture du brochet correspond à l'interdiction d'utiliser ces fameux leurres artificiels. Donc, c'est du dernier dimanche de janvier au 1er mai, pendant 3 mois. Si on veut apprendre, en savoir plus sur cette technique-là, on peut se rapprocher d'écoles de pêche? Voilà, il y a des écoles de pêche qui existent, des ateliers pêche nature, hein, qui proposent des cours de pêche, d'apprentissage et de découverte des milieux aquatiques. Donc vous pouvez vous rapprocher en ayant leurs coordonnées sur notre site internet pêche-54.fr. Et peut aussi, tout à fait, on doit aller aussi au magasin d'articles de pêche le plus proche. On a internet aussi, mais au magasin, on aura aussi des conseils de vive voix et un échange humain assez intéressant par rapport au matériel et à cette technique assez sympa qu'est la pêche au leurre artificielle. On n'est pas statique, justement. Hein, c'est vraiment une pêche où on se déplace et c'est une pêche, on peut dire, moderne. Hein, c'est ça, c'est assez funky parce qu'on a du matériel moderne, on aime bien l'utiliser, on se déplace, on est actif, on partage ses prises sur les réseaux sociaux et on fait du no-kill généralement, c'est-à-dire qu'on met les poissons à l'eau pour leur permettre de grandir et éventuellement d'assurer une descendance et ou de les reprendre plus tard. Voilà, on est donc au mois d'octobre, on va peut-être s'intéresser un peu à l'agenda du côté de la pêche. Oui, alors il y a une date importante au mois d'octobre pour les pêcheurs, c'est le 14 en fait. Pourquoi ? Parce qu'on a deux choses. Le week-end du 13-14, on a une très grande finale de pêche sportive au coup. On y reviendra peut-être dans une autre chronique. Oui. Il y a 542 pêcheurs qui s'affrontent à Toul sur le canal à grand gabarit. C'est une énorme organisation. On invite tout le monde à aller voir parce que il y a les meilleurs pêcheurs français et mondiaux quasiment du moment qui se réunissent là-bas à Toul. Donc le samedi 13 et le dimanche 14 octobre. Et le dimanche 14 octobre, il y a un concours de street fishing, de pêche urbaine sur les rives du canal de la Marnorin à Nancy, au centre-ville, Port-Sainte-Catherine et Port-Saint-Georges. On peut s'inscrire pour ce concours-ci ? On peut s'inscrire, il faut se rapprocher de la Gaule-d'Ombaloise, la PPMA, la Gaule-d'Ombaloise. On retrouve tout ça, bien sûr, sur le site www.pêche-54.fr. Tout à fait, et au téléphone à la Fédération, où on vous répondra avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique.